histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire du week-end, nous étions en compagnie du professeur Charcot à l'hospice de la Salpêtrière en 1880. La presse parisienne de l'époque surnomme un événement qui a lieu chaque année à la mi-carême le bal des folles. La soirée, organisée dans l'hospice, réunit des femmes épileptiques, celles que l'on appelle alors les hystériques, et des invités parisiens triés sur le volet. Ils espèrent frissonner au contact de ces pensionnaires un peu particulières. Charcot écrit qu'il n'aimait pas participer à ces soirées, parce qu'elles relevaient selon lui de l'exhibition. Mais il faisait néanmoins son miel de ses patientes aux poses spectaculaires en les montrant lors de ses séances d'hypnose publique. Aujourd'hui, Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin vous racontent comment le bal des folles fit découvrir à Jeanne Avril son don pour la danse. Il lui permettra de devenir par la suite la coqueluche du Moulin Rouge, du divan japonais, du balbulier et des folies bergères. J'ai lu dans un journal que elle avait eu... C'était un roman rose, la vie de Jeanne Avril, c'est pas du tout ça, au contraire. Bah peut-être tel qu'elle l'a raconté, puisqu'elle a un peu triché biographie. Elle a triché un petit peu, mais moi, tout mon travail a été de vérifier par d'autres moyens, par d'autres côtés. Et en tout cas, je peux assurer, puisque j'ai retrouvé les dates quand même, sur place, que j'ai assuré qu'elle est entrée dans le service du docteur Charcot. Dans le fond, était-elle réellement ce qu'on appelait les hystériques de l'époque? Elle était toute jeune, elle avait 13 ans. C'était plutôt ce qu'on appelait aussi la danse de Saint-Guy, quoi. Mais c'était une gosse qui, à ce moment-là, était entre les mains d'une mère qui était non pas exactement ce qu'on appellerait une prostituée, mais une femme entretenue. Vous pouvez dire quelques mots sur sa mère, Alain Veil, qu'on surnommait la Grande Horizontale? Oui, bon, sa mère était une pute, c'est évident. La Grande Horizontale, je suis pas sûr qu'elle ait connu cette célébrité dans le petit monde des bordels ou du demi-monde, mais c'est surtout que par rapport à sa fille, elle a été immonde. Et en l'occurrence, je crois que c'est ça qui nous intéresse. Le bal des folles de la Salpêtrière, Jeanne Avril, la danseuse insoumise. Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Et c'était une enfant battue. Elle l'a battée, elle l'a forcée à aller chanter dans les cours, faire la quête. Enfin, la gosse était très traumatisée, comme on dit aujourd'hui. Combien de temps elle va rester à la Salpêtrière? Deux ans. Deux ans, ce qui était normal. Deux ans, c'est déjà pas mal pour une gosse de 13 à 15 ans, quoi. Bon, elle est née pas dans le bonheur. Elle a réussi non seulement à échapper à une mère qui était une marâtre, mais à des troubles psychiatriques. Grâce à la danse, elle a connu 30 années extraordinaires où elle a été vraiment la muse de tout Paris. Et après, elle a connu 20 ans de mouise, on peut l'appeler comme ça, mais avec une humilité remarquable, c'est-à-dire pas comme de vieilles cocottes ou vedettes qui continue à essayer de parader, pas du tout. Elle a été, enfin du début à la fin, d'une dignité remarquable. Dans ses mémoires, Aude Fauvel, Jeanne Avril, ou Jane Avril, parce qu'elle a anglicisé son nom, son pseudonyme en fait, écrit qu'elle a la danse de Saint-Guy. Est-ce que c'était une expression couramment utilisée pour désigner l'hystérie? Alors ça, c'est pas tout à fait la même chose. La danse de Saint-Guy, c'est un phénomène, on va dire. Alors certains, le lisant de façon anachronique à l'époque et a posteriori, on dit phénomène d'hystérie collective. Voilà, mais ça remonte à des périodes anciennes où, à l'époque médiévale puis l'époque moderne, on a des personnes qui se mettent à danser sans pouvoir s'arrêter. Donc la danse de Saint-Guy, c'est plutôt du côté de l'Alsace, mais on peut penser aussi au tarantisme du côté des Pouilles en Italie, où c'est des épidémies, entre guillemets, de danse collective. Donc c'est un petit peu cela que Jeanne Avril met en avant, mais c'est pas tout à fait ce que les médecins disent par rapport à ce que elle manifeste. C'est-à-dire que elle parle de danse de Saint-Guy, et les médecins face à elle vont plutôt parler soit de chorée. Donc à l'époque, on ne sait pas que la chorée en fait est une maladie vraiment neurologique qui conduit à la mort, hein. Donc on parle de chorée dès qu'il y a des mouvements un petit peu désordonnés qui se manifestent, ou bien d'hystérie. Avril. Voilà, donc c'est comme ça que les médecins la voient, mais elle, elle utilise plutôt une autre étiquette, et puis elle, elle a une vision plutôt positive de ce qui lui arrive, en tout cas quand la danse est canalisée, tandis qu'un des médecins qui la soigne, Georges-Gilles de la Tourette, lui, a une vision plutôt négative de ses mouvements désordonnés. François Caradec, comment sort-elle de la Salpêtrière? Elle sort de la Salpêtrière, disons, vers 15 ans, guérie. Bon, ce qui était rare à l'époque. Hein. Ce n'était pas rare. Mais elle sort guérie, mais les autres femmes n'aimaient pas sortir guérie, parce que finalement, ces pauvres filles qui arrivaient là, hystériques, elles se retrouvaient à la rue. Si elles étaient guéries, on les remettait sur le trottoir, c'était pas autre chose. C'était donc, valait mieux pas être guéri. Donc à 15 ans, Jeanne sort. Jeanne sort et danse. Elle retombe entre les mains de sa mère, qui la bat toujours. Et donc elle fait une fugue définitive, elle fait une fugue au Quartier Latin. Là, elle sera accueillie précisément par ce jeune poète anglais qui lui donne le nom de Jeanne Avril. Et elle s'appelle Jeanne Baudon. Et elle est née, non pas Richepin, comme on dit toujours, elle est née à Belleville, tout simplement. Une vraie môme parisienne, et elle mourra dans le 15e arrondissement, elle restera toujours parisienne. Il y a des personnalités féminines extraordinaires à la Salpêtrière, des femmes exceptionnelles. Quand même dans une époque au 19e siècle où l'homme reste l'homme tout puissant, et que si effectivement les femmes veulent se déprendre de cette répression permanente, et dans leur vie affective, dans leur vie sexuelle, dans leur vie de mère ou dans leur vie d'artiste, elles le font contre la vie généralisée ou la vie générale des hommes. Et là, je dirais ici, d'ailleurs Charcot l'a compris, hein, il faut être à deux pour qu'il y ait une relation. Mais alors, en plus, ce qui est curieux, c'est que comme elle arrive à un âge qu'elle a dépassé la puberté, on la met avec les femmes. Mais surtout, il va lui arriver une chose, c'est que un des médecins organise tous les gens un bal à la mi-carême, et elle se trouve au milieu de ce bal. On s'aperçoit qu'il y a un costume qui lui est prêté par la fille de Charcot, etc. Donc on se rend compte qu'elle était un peu entrée dans la famille, quoi. Elle était très bien accueillie. Et qu'à un moment, il y a une valse, et à ce moment-là, elle part, elle a 15 ans, elle se trouve absolument entraînée, elle devient folle de valse, et elle se met à tourbillonner, tout le monde s'écarte, tous les médecins, et toutes les malades s'écartent, et on la regarde danser. Et c'est la première danse. Dans le fond, elle était folle de danse, comme elle l'a dit. C'était réellement une malade de la danse. Et elle deviendra l'une des figures donc du célèbre cime quadrille. Que ce soit la Bélinite, on comprend un petit peu là d'où vient un peu son excitation de la danse. La danse a effectivement été pour elle une passion et certainement une thérapie. Touchée par la grâce, je ferme les yeux, c'est merveilleux. Le bienfaiteur était lié d'amitié avec le célèbre neurologue, le docteur Mann. Celui-ci me fit admettre à la Salpêtrière dans le service du grand professeur Charcot, parmi les grandes étoiles de l'hystérie qui, à ce moment-là, faisait fureur. Je suis demeurée 2 années dans cet Éden, car c'en était un pour moi, tant ici-bas tout est relatif. J'y acquis même une sorte de petite célébrité. À certains soirs, les grandes me priaient de chanter. Ma voix était jolie à ce moment. Et du laboratoire proche où travaillaient des internes, on m'écoutait. D'aucuns disaient « Cette enfant est étonnante et ce sera un jour quelqu'un. On entendra parler d'elle. » Journal de Jeanne Avril, 1933. Pourquoi se choisit-elle? Elle avait un pseudonyme britannique. Alors ça, il y a une histoire, mais on n'est jamais sûr de rien. C'est un de ses amants anglais qui, elle s'appelait Jeanne, l'a appelée Jane. Et le Avril est venu, semble-t-il, d'un poème que ce même amant aurait retrouvé. En quelle année commence-t-elle à danser? À l'extérieur de la Salpêtrière? C'est au Balbulier qu'elle commence à danser, je crois, tous les jeudis soirs. Mais elle stupéfie tout le monde parce qu'elle danse toute seule à une époque où c'était pas des couples généralement qui dansaient, que ce soit la polka piquée, que ce soit toutes les danses qui se sont succédées. Et de la même manière qu'au Moulin Rouge, il y avait le quadrille d'un côté, et elle qui dansait toute seule au début, et quand elle commençait à danser, tout le monde s'écartait. Donc c'était vraiment un personnage singulier qui, dans sa danse, ne correspondait absolument à rien de ce qu'on avait vu, parce qu'elle s'exprimait totalement librement. Quels étaient les spectateurs et les clients du Balbulier au moment où elle commence ? Il y avait des étudiants, car on était près du quartier des étudiants, mais il y avait beaucoup de monde qui venait, parce que c'était un endroit, surtout sur la rive gauche, où il n'y avait pas à l'époque encore grand-chose, ben c'est un endroit où les gens se retrouvaient. Elle a aimé danser et être regardée dansant. Stéphane Guégan. Dansante. On parle du Balbulier, on parle de tous ces milieux qu'on ne connaît pas encore très bien. Elle est remarquée. Un des épisodes les plus intéressants, je trouve, de sa biographie, c'est sa rencontre avec Théodore de Vizeva, qui est un poète oublié aujourd'hui, mais qui a été important et qui a été un critique d'art également. Du milieu symboliste. Nous sommes effectivement dans les années 1880, avant même la rencontre de Lautrec et de Jeanne Avril. Et il semble avoir un don pour toucher les hommes, mais toucher les artistes. Il y a quelque chose en elle qui s'impose et qui impose peut-être un destin de danseuse professionnelle. Si... il y a chez elle une énergie, et peut-être d'ailleurs une surenchère d'énergie comprimée par cette jeunesse difficile, comprimée aussi par son passage à la Salpêtrière. Mais une chose est sûre, c'est que qu'il s'agisse des bals que vous évoquiez, ou de ces séances d'examen collectif, la mise en spectacle du corps féminin est sans doute quelque chose qu'elle a appris à... comprendre, maîtriser et peut-être plus tard exploiter. Il y a une véritable capacité à se mettre en scène. Et c'est perçu par ses premiers protecteurs et puis très vite par les, si j'ose dire, les spécialistes du spectacle que sont notamment les propriétaires du Moulin Rouge. Il ne faut pas oublier que quand ouvre le Moulin Rouge... il y a en même temps le Chat Noir, il y a en même temps tous les cabarets, c'est-à-dire qu'ils traînent là une population absolument incroyable, où il y a à la fois incroyable et très souvent alcoolique, voire drogué, mais où on peut trouver à la fois des putes, des demi-mondaines, des peintres, des artistes, des, je dirais, membres de l'aristocratie ou de la grande bourgeoisie, tout ça dans une sarabande assez incroyable, car tout ça se situait dans un tout petit périmètre entre l'Élysée-Montmartre, qu'il faut pas oublier car c'est là qu'est né le quadrille, le divan japonais, le Chat Noir et le Moulin Rouge quand il ouvre. Ça se fait à pied, même bourré. Attendez, j'ai besoin de mon combustible. Donc lorsque Jeanne Avril commence, le Moulin Rouge connaît un grand succès. Elle n'est pas... Le Moulin Rouge, c'est l'endroit où tout le monde... se doit de passer, d'être, et qui est probablement l'endroit le plus extraordinaire de Paris à l'époque. C'est énorme, le Moulin Rouge, c'est très très gros, il n'y a pas que le Moulin Rouge, Paris est extrêmement festif, hein. On a autour du Plessis Robinson tout un ensemble aussi de cabarets divers et variés, et là, oui, c'est aussi très fréquenté par les femmes, plus ou moins de grandes ou de petites vertus, peu importe, mais qui viennent s'encanailler, comme on disait, et regarder ces danses hystériques, et qui du coup aussi vont les importer dans leur propre soirée, c'est-à-dire que ces mouvements mouvements qui sont initialement réservés à un public médical, hein, qu'on voit dans les asiles, du fait en particulier de Jeanne Avril, mais elle n'est pas toute seule. Ce sont des mouvements qui vont sortir des hôpitaux, envahir les music halls, passer au théâtre, passer au cinéma, et donc passer aussi dans les soirées privées. Et je pense qu'on hérite aujourd'hui un peu dans nos mouvements quand on danse sur de la musique à très long terme. Non, mais c'est, on pourrait le prouver, hein, d'autres que moi l'ont prouvé. On hérite de ces mouvements dans notre façon de danser en boîte de nuit. Jeanne Avril avait aussi un surnom assez explosif, puisqu'on l'appelait la Mélinite. La Mélinite, oui. Oui, parce qu'elle était parmi toutes les danseuses du Moulin Rouge. Elle a eu tout de suite ce surnom, parce que les autres s'appelaient, bon, la Goulue, Gris d'Égout, etc. Mais des noms charmants, d'ailleurs. Gris d'Égout, je... Gris d'Égout, c'était pas mal, c'est à cause de ses dents. Mais elle, on l'a tout de suite appelée la Mélinite, parce qu'elle devait être sans doute beaucoup plus explosive que les autres. Si l'on s'appuie sur les images produite par Lautrec, on a l'impression que la Goulue est dans une provocation physique, érotique plus directe. Il y a son fameux coup de cul, par exemple, sa façon de lever la jambe, sa façon de montrer ses dessous. Elle est dans le froufrou, elle est dans le chahut, dans le cancan. On a l'impression que Jeanne Avril apporte quelque chose de plus atypique, de moins lié au code de la danse populaire. Sa façon de danser est à la fois explosive et inquiétante. Et d'ailleurs, dans les images les plus fortes, les plus dynamiques que Lautrec a laissées d'elle, on sent un corps qui se désarticule, un corps qui se casse pour mieux surprendre le spectateur. Et puis il y a ses jambes gainées de noir, magnifiques, et qui vont avoir d'ailleurs une postérité au-delà de Lautrec. On les retrouve chez d'autres affichistes, on les retrouve chez Picasso, qui a laissé un très beau portrait d'elle, un peu inquiétant, un très beau profil d'elle. Elle était très belle. Pouvez-vous la décrire, Aude Fauvel, Jeanne Avril ? Alors donc, elle était rousse, elle était pour l'époque considérée comme très mince, elle a des traits assez symétriques, elle ne sourit pas beaucoup, ça aussi c'est connu à l'époque, elle sourit très peu, Jeanne Avril, ça fait partie aussi de son personnage, elle a le côté un peu solitaire, un petit peu mélancolique comme ça, elle porte parfois des robes qui justement surjouent à la fois cet aspect un peu pathologique et vénéneux, un peu intrigant et étrange, elle a en particulier une robe avec un serpent. Alain Veil, qu'est-ce que c'est le quadrille ? Le quadrille, c'est donc une figure qui a été inventée à l'Élysée-Montmartre, formée de quatre danseuses, avec intervention de danseurs. Et c'était essentiellement ce qu'on appelait le chahut, avec ces filles qui avaient donc des jupons et qui levaient très haut la jambe, qui faisaient en cadence le grand écart et des tas de figures assez compliquées, qui, de leur jambe droite ou gauche, pouvaient jeter une haute forme d'un spectateur. C'était une attraction majeure. Mais pour Jeanne Avril, quand au Moulin Rouge, puis en tournée, elle a dû s'intégrer à un quadrille, elle n'était pas très heureuse, vu qu'elle aimait danser toute seule comme une petite folle. Elle a de très grandes et très longues jambes qu'elle met en avant, ce qui nous paraît. Alors elle commence à mettre en vogue cette manière de montrer aujourd'hui les jambes en entier. C'est-à-dire que au 19e, déjà montrer ses chevilles, c'est déjà très osé. Hein. La Goulue, elle montre ses chevilles. Toutes les femmes du Moulin Rouge montrent leurs chevilles et ça c'est très très osé. Hein. Mais Jeanne, elle montre un petit peu plus haut. Elle montre ses jambes hein, de plus en plus et puis ça va devenir quelque chose qui va s'imposer. Sur la scène des music halls avec le French cancan tel qu'on se met au fur et à mesure à l'interpréter. C'est-à-dire qu'au début, surtout, on agite sa robe de droite et de gauche, on montre essentiellement ses chevilles, et puis au fur et à mesure, on va monter sa robe de plus en plus haut. Puis aujourd'hui, bon, bah, au Lido et au Moulin Rouge, on montre presque plus de jupe, il y a surtout des jambes. Ouais. What is it about them? I must be missing something. They just keep doing nothing. Stéphane Guégan, pour Jeanne Avril, Toulouse-Lautrec fait des affiches. Il la représente dans ses tableaux et il fait des affiches pour elle. L'affiche, pour Lautrec, c'est souvent la porte qui lui permet d'accéder aux stars de la scène. C'est l'âge de la publicité, c'est l'ère de la célébrité dans lesquelles on entre avec les années 1890. Et Lautrec est un des acteurs de cette rupture, de ce virage très important dans le monde de l'image et dans le monde de l'exploitation par l'image des scènes de cabaret, des scènes de music hall, des scènes de danse. 1891, Lautrec remporte un concours et établit sa réputation en imaginant et en créant l'affiche géniale du Moulin Rouge, où il met en scène la Goulue. Et deux ans plus tard, en 93, il produit la première affiche qui met en lumière Jeanne Avril. On la voit retroussant sa robe. C'est la première d'une série, puisque Lautrec, qui va presque abandonner le genre de l'affiche au milieu des années 1890, va en consacrer une dernière à Jeanne Avril, qui la représente comme une femme serpent. Comme une femme, en tout cas, qui ondulerait comme un serpent. Il faut aussi également rappeler, chose qui rapproche davantage encore Jeanne Avril et Lautrec, qu'elle a été actrice, épisodiquement. C'est le fameux spectacle autour de Peer Gynt, chez Lugnepo, au Théâtre de l'Œuvre. Et on le sait, Lautrec est très proche du milieu de la Revue Blanche, très proche du milieu du théâtre, d'avant-garde, et notamment de Lugnepo. Donc, tous les rapproches. Comme elle, c'est elle-même qui le dit, elle trouvait que cette musique était un peu bizarre pour danser. Et elle a dansé sans répétition. Et il y a eu trois rappels. Oui, comme la Loy Fuller qui a improvisé aussi à sa c'est manière. Ça, voilà. Tellement personnelle. Mais la Loy Fuller a improvisé seulement, elle avait tout un matériel. On va justement écouter, rêver de ce que pouvait faire Jeanne Avril, puisqu'on n'en a pas de description en ce qui concerne cette danse d'Anitra, rêver sur la musique de Grieg. Que sait-on de la relation de Toulouse-Lautrec avec Jeanne Avril ? C'était une muse, une femme cultivée, même physiquement. Elle ressemblait pas, absolument pas, à toutes ces grosses qui soulevaient leurs jupons. D'ailleurs, elle ne l'a fait que malgré elle, quand elle a eu besoin d'un peu d'argent. Mais enfin, c'était un personnage parfaitement unique. D'ailleurs, le nombre de gens qui l'ont côtoyée est simplement là pour démontrer le personnage qu'elle était. Il y a Alphonse Allais qui a voulu l'épouser, mais ils étaient tellement barges tous les deux qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, mais certainement pas pour vivre l'un avec l'autre. Je crois qu'avec Lautrec, ils avaient établi un accord comme quoi ils étaient amis et que ça n'irait pas plus loin, mais ils se voyaient tout le temps. Est-ce qu'on sait, Aude Fauvel, comment les gesticulations de Jeanne Avril étaient perçues par le public et est-ce qu'elles étaient moquées ou est-ce qu'elles étaient admirées? Alors, au contraire, oui, c'est tout un ensemble, et c'est pas seulement Jeanne Avril, hein, ça va se poursuivre au music hall, ça va se poursuivre d'ailleurs aussi avec Nijinsky, avec Charlie Chaplin, dans un tout autre genre. Il y a un jeu, en fait, où en fait les danseurs et au music hall, les gens de cabaret vont se moquer des étiquettes des médecins et vont en fait même surjouer les mouvements pour montrer qu'il y a un intérêt artistique là-dedans, mais également pour se moquer, en fait, des aliénistes, c'est comme ça qu'on les appelait, qui disaient qu'on pouvait devenir fou en faisant de la danse. Donc non, Jeanne Avril, en fait, elle reprend, même on l'a surnommée Jeanne la Folle, c'est un surnom qu'elle a assumé, hein, et elle s'en servait, en fait, pour faire sa publicité au music hall, aux grandes dames des médecins qui avaient bien compris qu'on se moquait d'eux, plus tard, on aura la même chose avec certaines danseuses qui se diront des danseuses hystériques. Nijinsky, et c'est ça qui fera scandale, hein, puisqu'il importe ses mouvements choréiques et hystériques sur la scène du ballet classique. Enfin, il y a toute une révolution autour de la danse moderne, en fait, qui reprend ces mouvements dits pathologiques pour les sublimer par l'art et par la même occasion se moquer un petit peu des médecins. On a ça aussi chez Charlie Chaplin qui va reprendre certains de ses mouvements et reprend d'ailleurs les danses de Nijinsky dans un registre comique. On fait tout cela jusque à peu près dans l'entre-deux-guerres. À la veille, quelle est la fin de la vie de Jeanne Avril ? Elle finit par rencontrer, après avoir eu des hommes à ses pieds qui étaient extraordinaires, elle a même connu Renoir qui a fait un portrait d'elle. Enfin, elle a fini par tomber sur Charles Billet, un drôle de zozo, et qui était essentiellement un osseur. Et on ne sait pourquoi, elle a fini par succomber à ses charmes, disons-le comme ça, sachant qu'entre-temps, elle avait eu un petit garçon, bien sûr dont le père n'était pas connu, ça c'était de famille, et puis elle a fini par mourir, mais elle a jamais été à la rue. J'ai vu la goulue, place Blanche, à 5h du matin, elle vendait des violettes. Et puis, elle m'a dit, alors, on va prendre un petit rince-cochon, hein? Alors, j'ai dit, oui, madame la goulue. Oh, appelle-moi la goulue tout seul, ça voudra mieux. Alors, on est allé boire un petit blanc de blanc, des sangetiens, comme elle disait. Alors, j'ai accompagné la goulue jusqu'au métro Barbès. Je ne sais pas si je l'ai embrassée, mais le cœur y était. Et puis, un soir, au moulin de la Galette, dans une nuit de Paris, il y eut Jeanne Avril, l'intellectuel de la bande, entre la môme siphon et la môme crevette, la danseuse rêvée par Toulouse-Lautrec. Et Jeanne était là, ironique à souhait, admirable, merveilleuse. Jeanne dansait. Nous avons dansé ensemble. Elle avait continué à avoir son sourire ironique. Elle était toujours gracieuse et jolie. Mais on la sentait déjà dans un autre monde. Le monde du rêve, peut-être. What is it about them? I must be missing something. They just keep doing nothing. Le bal des folles de la Salpêtrière, Jeanne Avril, la danseuse insoumise, Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Avec la voix de François Karadec, Alain Veil, collectionneur d'affiches et historien du musical, Aude Fauvel, historienne de la médecine, Yves Edel, psychiatre, et Stéphane Guégan, historien d'art et conservateur au musée d'Orsay. Archivina, le bureau des rêves perdus, 21 mai 1963, témoignage de Maurice Faudière alias Serge. Si j'ose dire, 5 octobre 2001, François Karadec interrogé par Thierry Beauvert. Coordination Christine Bernard. Maude Jussaume s'est occupée du site internet. Prise de son François Rivalan. Mixage Alain Joubert. Recherche INA Anne Delvaux. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Nous grimperons sur la face ouest du massif des Drus. Mais c'est une autre histoire.